Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Monsieur Scream. Le retour, le retour pour toi et le retour pour moi aussi. Hein. Ouais. Voilà donc. D'ailleurs, je tiens d'abord à m'excuser personnellement pour mes 2 semaines d'absence. Mais que voulez-vous, quand les tutures ne veulent pas rouler, elles veulent arrive, pas rouler. Voilà. Et venir moi en courant, imaginez-vous. Enfin, voilà. Bon, bref. Ça va en forme ? Bah écoute, oui, ça va. Ça va ? Ça va en forme, toi aussi ? Oui, et je crois que t'as la patate en plus, parce que t'as vu que quelqu'un viendra peut-être au download. Ah bah, je crois que c'est sûr. Hein. C'est sûr, hein, donc voilà. Eh oui, monsieur Ozzy Osbourne, avec Zach. Pour écouter Ozzy, on fait Osbourne. On ouais, voilà. Bon, après, tu sais ma pensée sur les festivals, quoi. Ouais. Je suis pas trop fest. Mais bon, comme on se dit, à mon avis, attention, en 92, en 92, il nous avait déjà dit aussi qu'il arrêtait, qu'il faisait une tournée d'adieu. Il a continué, il est venu. Donc là, il refait une tournée, mais à mon avis, là, franchement, je crois qu'il faudra y aller parce que. Il prend de l'âge avec tout ouais, ce qu'il a pris comme substance. Il risque peut-être de nous la faire à la Lémy, on va dire ça comme ça. Donc, exactement. Allez le voir. Et voilà. Et bientôt, on va avoir aussi des noms pour le Hellfest. Le Hell, hein. Là, il va commencer à donner des noms aussi, voilà, vu que le download, ça tombe un peu. Et j'ai essayé avec tonton, je l'ai mis sur la broche, j'ai essayé de cuisiner, mais il n'a rien voulu lâcher. Il me semble qu'il y a un Gun and Roses qui vient quelque part, j'ai cru entendre, je ne sais plus si c'est au Download ou au Hellfest. Il y a Iron Maiden, normalement, qui serait au Hellfest. Et j'ai entendu, normalement, Van Halen. J'ai pas entendu, moi, ça. Mais on verra bien, de toute façon, c'est toutes des spéculations. Ouais. Quand c'est signé, bah Van c'est Halen, signé. Van Halen, j'en ai pas du tout entendu parler. Par contre, j'aimerais bien. Moi, personnellement, dans les même à la place de Guns ou quoi, non, je préférais Van Halen avant. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Van Halen, j'aime bien aussi, moi. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une petite nouveauté. De toute façon, il y a beaucoup de nouveautés avec tout ce que... Ah, c'est toujours des nouveautés chez nous. Oui, et là, il y en a beaucoup avec toutes les 2 semaines qu'on a ratées. On va commencer avec Amberian Down, avec Him The One, et après, on se retrouve tout de suite après. Yeah. Voilà, donc c'était Umbrian Down avec In The One. Bon, c'est des envolées féminines. C'est du voices femelles, comme tu adores. Comme j'adore. Oui. Mais bon, voilà. Ouais, c'est pas mal. On joue, on les joue, voilà. Le prochain, par contre, c'est un groupe aussi bien toi que moi, et même le slasher qui n'est pas là, on lui fait un petit coucou. Et prochaine fois, tu mangeras tes brocolis, mon ami. Ça t'apprendra à pas bouffer tes brocolis. Voilà. C'est un groupe qu'on aimerait bien te voir sur scène, on les a à chaque fois ratés, ils étaient même programmés, si tu te souviens, au Rhymefest, mais le contrat n'était pas signé. C'est le groupe Heat, qui nous revient avec un nouvel album qui est à tomber Redmore, mais franchement, quand je dis à tomber Redmore... Il me semble qu'il passe sur Paris. Il passe sur Paris, il passe, dans je crois, aussi, ouais, et passe ici dans le, en Flandre, je ne sais pas si c'est pas au Bebop, je ne sais pas, je ne veux pas trop pas trop m'avancer. Je regarde après. Mais c'est un groupe qui en vaut vraiment la peine d'être vu. Et le dernier album, il est à tomber Redmore. Et on va s'écouter Time on Your Side. J'aime vraiment bien. Ils arrivent à mélanger les mélodies avec du synthé et tout ça. Et des fois, c'est vraiment bien foutu. Voilà. Et en plus, j'en profite pour dire que c'est notre indicatif. Il te l'avait fait pour toi, il me semble. Non. On a pris l'album live. Mais non, c'est l'autre, c'est celui qui crie. Je pensais que tu m'avais raconté ça. Non, qui l'avait fait pour toi. C'est l'autre, voilà, c'est Alistair Sim. J'ai mal compris, je ne sais pas. Bon, ils peuvent nous faire un indicatif. C'était au début que tu me connaissais, t'as voulu te faire mousser. Peut-être. J'ai sorti le poitrail là, tu sais. Voilà. Allez, Heat, franchement, tu vas voir, tu vas adorer. La mélodie, elle est super bien foutue. Et le titre, il est excellent. Voilà. Super. Allez, c'est parti. We'll be right back. Voilà, alors c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Tu sais quoi, ça me fait penser un petit peu à la voix, à Annie Lennox. Ah oui, c'est... Ouais, hein, c'est le même genre. Hein. Mmh. C'est une voix assez, assez années 80, je trouve. Ouais, c'est... ouais, Annie Lennox, c'est voilà. Le même genre. J'adorais cette chanteuse, enfin, j'adore toujours cette chanteuse. Elle chante toujours, c'est vrai, avec... Ouais, ouais. Ah bah, et oui, c'est des vieux souvenirs comme ça. Alors le prochain, avant de retrouver la Slasher Song, on va écouter, c'est encore une nouveauté, ça risque de te faire plaisir, de vous faire plaisir. On en profite aussi à faire un petit coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont envoyé des messages en disant « il n'y a pas émission, qu'est-ce qui vous arrive ?» Voilà, donc on tient encore une fois à s'excuser. Vous êtes bien branchés. Panne de voiture et voilà. Bon, moi, comme mon travail ne me le permet pas toujours, des fois je drive plus tard... dans le milieu médical, alors voilà. Quoi. Et le slasher ne peut pas tout le temps... Non, ne lui peut pas venir tout seul. Tout seul, il peut pas, il est encore trop jeune. Il n'a pas l'autorisation de sa maman. Et ni du papa. Et du papa. Alors, je crois que c'est le titre qui va te plaire. Je rappelle aussi, vous êtes bien branché sur RQC 95 FM, 95 FM. D'ailleurs, j'ai envie de aller... Justement, regarde. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Regarde, alors on va se faire plaisir, écoute. Salut, this is Fernando from Moonspell, and you are together with me on Riff d'Enfer. Rock on! Voilà, donc c'était notre ami Fernando. Eh oui! Pourquoi? Parce que vous verrez plus tard, vous pourrez écouter un extrait du dernier album qui est monstrueux aussi de Riff d'Enfer, moi. Ce serait génial que Moonspell fasse. Là, c'est moi au chant, avec voilà. Fernando. Voilà. Et oui, pourquoi pas? Slasher à la batterie, guitare et à la basse. Ouais. Et moi, bon, je sais rien faire. Toi, tu feras clavieriste. Claviériste, oui, à une main, guitare. Tu sais encore faire ça comme ça, donc c'est bon. Voilà. Non, bah, on en profite aussi pour vous dire que dans deux mois, enfin non, au mois de février, Moonspell sera près de Lille. Ouais, c'est à Wany. Voilà. Et c'est un concert à aller voir. Ah, c'est super Moonspell. Concert super et des gens charmants qui se prennent pas la tête. Mm. Ça, c'est important pour moi. Ouais, ils sont agréables, sympathiques. Ouais, tout à fait. Mm. Donc, on écoutera ça tout à l'heure. Mais là, on va d'abord s'écouter quelque chose qui va te plaire, j'en suis sûr et certain. Down and Outs avec Overnight Angel. Et après, on découvrira la Slasher Song de ce lundi. Way. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce bah, titre? Écoute, c'est génial, ça. Hein. C'est génial, c'est fort. Que ça fait fort années 80, 90. Ouais. Et on va monter tout doucement en crescendo, comme ça, comme on fait d'habitude. Oui, c'est vrai. Et là, d'abord, c'est le slasher, hein, la slasher song, comme on fait d'habitude. Hein, on en profite aussi pour lui faire un petit coucou. Et là, aujourd'hui, il nous a demandé de jouer Space Vacation avec Save Your Breath. C'est le titre de l'album, le titre qu'on va s'écouter. Et l'album s'appelle Lost in the Black Divine. C'est sorti sur le label Pure Steel Records. C'est sa slasher song, voilà, c'est son choix, comme il nous fait. D'habitude, voilà, c'est parti pour sa slasher song. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. We'll be right back. Voilà, donc c'était le choix du slasher. Hein, Bon choix. Bah ouais, ouais. Il nous étonne. Hein, c'est Space Vacation avec Save Your Breath. C'était la slasher song. Alors là, on va passer un peu plus du côté un peu plus obscur, hein, tout doucement. Il en faut un peu pour tout le monde. On en profite pour faire un petit coucou à nos amis Quentilien, Yannick et Agnès, et bien tous les autres aussi, hein, du côté de Manchester, je vois qu'on nous regarde aussi. Hello my friends, on va dire ça comme ça. Hein. Eh oui, hello my friends. Et tous les autres aussi, du côté de l'Allemagne, l'Argentine, je ne sais pas comment on dit tout ça en espagnolito. Bah, si tu dis un bonjour, c'est hola. Hola. Hola Argentina, hola Mexico. Hola Mexicanos. Hola Mexicanos. Mexicanos, bien, bien, bien. Mexicanos. Voilà, allez, on va s'écouter. Alors là, Dianonicus, For This In Silence You, c'est encore une petite nouveauté, c'est monstrueux, et après on se retrouve. Là, je suis sûr qu'on a dû faire plaisir à certaines personnes quand même. Hein. Ah, j'en connais deux, certainement. Ouais. Déjà. Dioninocus avec For This of the Silent You. Le prochain, par contre, là, on va se faire plaisir et on va vous faire plaisir aussi. On va le découvrir en même temps que vous. Le titre s'appelle Evento. Donc, je suppose que c'est dans le vent ou le vent, je ne sais pas. Notre slasher qui fait de l'espagnol ou même si c'est portugais. Donc, tu as déjà deviné si je dis portugais. Je ne vois pas du tout. Tu ne vois pas du tout. C'est pas la personne à qui je chante le nouveau... Voilà, le nouvel album de Rive d'Enfer. Le nouvel album de Rive d'Enfer. Voilà. Et donc, il s'agit de Moonspelt. Franchement, il est monstrueux. Et on va s'écouter un titre. Et juste, on va rappeler donc le lieu peut-être du... Alors, bah oui, je confirme bien. Hein, donc, c'est le 20 février, le Métaphone, qui se trouve bien à Oigny et ouais. pas à Lille. Donc, c'est et près Oigny, de... c'est juste à côté de Lens. Voilà. Tu sais, c'était où on avait été, la Bully-les-Mines. Bully-les-Mines. Ça doit être dans ce secteur-là. D'accord. Bah, en tout cas, nous, on y sera pour Moonspell. C'est un concert à ne pas rater. Bah, j'espère, s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas de verglas, voilà. S'il n'y a pas les Martiens qui arrivent entre deux. Voilà, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Hein. Ouais, voilà. Et on essaiera de vous ramener aussi une petite interview de Fernando, enfin du groupe. Parce que le groupe ne tourne pas autour que de Fernando, même s'il est, il est membre fondateur. On essaiera de vous ramener une interview de Moonspelt, franchement, qui est un groupe. Un nouveau jingle aussi. Un nouveau jingle, ça ferait un peu du 109 pour nous et pour la radio. Et ils vont nous parler de ce fameux album, je ne sais pas comment on le dit en espagnol, 1755. C'est pas de l'espagnol, c'est du portugais. C'est du portugais, c'est oui. pas le même. Non, mais I'm sorry. C'est pas le même. 1755, et ça fait référence à tout simplement les grands incendies qui a eu lieu au Portugal à cette période. Donc, tout l'album est basé sur cette histoire. Donc, on pourra lui poser un peu des questions sur ça. Et puis aussi, où il en est avec son écriture, avec des livres, comme on le sait bien, vampires, loups-garous, comme il aime bien. Quoi. Il aime bien, ça. Il aime bien, il aime bien. Ah, il aime bien l'atmosphère, ouais. Vampire, gothique. Ouais, il adore gothique, ça. Ouais. Hein. Et il aime bien le slasher aussi. Mmh. Voilà. Donc on essaiera d'être toute l'équipe ensemble pour Moonspelt. C'est on a la date. Donc oui, c'est le 20 février. Voilà, allez, encore quelques dodos, hein, puis on y sera vite. Hein. Ouais, on y voilà. sera vite. Ça, c'est un concert que je suis pressé, tu vois. Bah, y a pas mal de bons groupes hein, qui arrivent pour 2018. Il y a le nouvel album de Zach Wild qui sort. Enfin, Zach Wild, Black Label Society. Oui, avec une tournée. Je l'attends aussi. Avec impatience. Bon, j'ai un de mes bons amis qui est fan aussi. Il m'a dit qu'il n'était pas top. Je sais pas, il a eu quelque part, ou je ne sais pas. Moi, j'ai pas encore eu, donc. Il est seul décoté par un de ses amis, je suppose. Mais il m'a dit, je te laisse écouter, tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Et t'es déçu. Mais bon, faut voir maintenant, hein, comme on dit. Il y a aussi Inglorious qui font une tournée. Ouais, pas un nouvel album, mais une nouvelle tournée. Il a fait son nouvel album là, qui est sorti il y a quelques mois. Lui, il passe au Vauréal le 17 décembre. Voilà, oui, c'est le jour avant mon anniversaire. Ouais. Donc, si vous voulez m'offrir un cadeau. Encore une fois, s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas d'arrivée de Martien ou je ne sais quoi, on y sera. Voilà. Et bien entendu, on a aussi Et par chez nous. Et Panthère aussi. Voilà, là on hésite parce qu'on a envie d'aller les voir du côté du Luxembourg pour aller chercher nos visas. Si, encore une fois, il n'y a pas d'arrivée de Martien ni quoi que ce soit, je fais les deux dates. Je fais Paris et Luxembourg. Ben moi, c'est surtout pour aller rechercher mes sacs enterrés dans les forêts au Luxembourg, des sacs d'argent, quoi. Ah ouais, maintenant, on peut faire les deux dates ensemble, hein. C'est comme tu veux, hein. On s'arrange comme d'habitude. Hein. Surtout que Steve Panther, c'est un grand moment avec lui. Et là, je veux mon jingle. Voilà. On dit jingle par Satchel. Satchel, toi ou Lexi Non, je veux mon jingle par Satchel, tu sais pourquoi. D'accord, montrez vos nichons. Voilà, moi je le veux. Allez, on va s'écouter le fameux Moonspelt avec Evento. du grand Moonspelt, hein, rien à dire. Ouais. Rien à dire, hein, sur ça. Et une sacrée voix, j'adore sa voix, moi j'adore tout chez Moonspell. Et c'est quelqu'un d'impressionnant, parce que quand on lui parle, hein, c'est bonjour, on est avec une grosse voix là, mais sur charmant. Le coup, moi je trouve, hein, personnellement, je trouve qu'il y a un aspect froid, hein, ouais. Comme le personnage, quoi. Ouais. Mais... Et après, une fois qu'il est détendu, ça y est, il est parti. Tout à fait, mais c'est vraiment quelqu'un au grand cœur. Et très gentil. Et je tiens à dire aussi qu'il est... respectueux. Et envers des femmes aussi, comme on avait dit. Très respectueux, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des artistes. Ouais. Mais lui, non. Hein. Et puis, attention, il n'aime pas trop non plus qu'on est trop tactile avec lui. Ouais. Hein. Et une tendance un peu à repousser après. Hein. Oui, et comme j'avais dit, comme je venais de dire, il a été aussi là. Il a mis en avant aussi la défense envers les femmes. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sur des femmes. Mmh. Et il a même posé pour certains magazines en talons aiguilles, justement pour dire qu'on ne prend pas des femmes pour des marchandises. Quoi. Et ça, c'est bien aussi. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour beaucoup de choses. Hein. Mmh. Pour la maladie. C'est quelqu'un de cultivé. Ouais, voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui ne va pas fermer sa porte à une femme qui lui manque un sein, par exemple. Voilà, un tout à fait. Frère. Ou malheureusement qu'elle est défigurée suite à un incendie, un accident de voiture ou autre, ou une amputation, ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Malheureusement, tout à fait. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et non, on ne sait pas d'ici. Non, c'est quelqu'un très cultivé là-dessus, c'est sûr que très ouvert. Oui, oui, mais il lit beaucoup. Hein. Il lit énormément, il nous l'avait dit dans l'interview qu'on avait fait, je crois. Voilà, le prochain qu'on va faire, alors le titre c'est « In My Nightmare Circus ». L'album s'appelle No Hymnus Morier et le groupe s'appelle Mayonnaise. We'll be right back. là nous étions partis un peu dans l'obscur, ouais, hein, comme l'obscur, ça. Hein. Wow. Voilà, donc c'était tout simplement Mayenat avec In My Nightmare Circus. J'en profite pour faire un petit coucou à notre ami Phil. Ah oui, Tildon. Tildon qui nous regarde. Et Phil, n'oublie pas, dès que tu as l'album qui est là, ben, vous êtes les bienvenus ici autour de la table, hein, pour venir nous en parler. Et pour boire un coup, même deux. Deux, tout à fait. Voilà. N'oublie pas mon t-shirt cette fois-ci. Et donc, tu... Car il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé, mais bon, c'est normal, c'est Phil. Et ils viendront nous parler du nouvel album qu'on attend incessamment sous peu. Alors, le prochain, ben, c'est encore... Merci à Tonton Roger. On va s'écouter Attraction Theory avec The Eyes. Game. Voilà, on remercie tonton Roger hein, avec Attraction Theory, avec The Eye, c'est bien. Hein. Oui, c'est bien. C'est bien. Ce qu'on discutait au niveau vocal, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est bien, hein. C'est pas gueulard, c'est mélodieux, il y a de l'harmonie là-dedans. Et l'album s'appelle Principia. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, restez avec nous, hein, encore une petite heure, 5 minutes. Là, juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va d'abord s'écouter Pink Cream 69 avec Welcome Down. C'est un extrait de l'album qui va arriver, hein, c'est un single. Mm-hmm. Pink Cream 69 qui est un groupe super, c'est de là où était Andy Deris qui est maintenant chanteur chez Halloween. D'accord. Pink Cream 69, qu'on a eu l'occasion de voir à la bonne époque, la grande bonne époque de l'album Games People Plays sur Obi Bop. C'était vraiment bien. Il y a très très long time ago away. Franchement, un super groupe et j'adore ce groupe. Là, on va s'écouter donc Welcome Down et après, ce sera la balade crapuleuse. The world is catching up. You never try to stop, but you're one. Bah tu vois Sylvain, c'est un album que j'attends avec impatience, ouais. Une Cream 69. Welcome Down, et je crois que ça me... joue bien ça. Hein. Ouais. Et je crois que ça même fait plaisir hein, à certains amis qui aiment un peu notre génération, hein, on va dire ouais. Ça comme ça, notre génération métal, hein, les vieux de la vieille, comme on dit. Hein. Voilà, il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Il est 21h dépassé de 3 minutes à l'horloge de notre studio. Alors, il y a nos auditeurs qui demandent qu'est-ce que c'est comme groupe. Donc, est-ce que tu peux répéter le nom du groupe ? Mais de toute façon, il y a la playlist après. Hein. Ouais, ouais. Sur la playlist, tu mets toujours. Oui, bah, elle sera là le ce soir. Et, ouais. Ouais. Si tu as le nom du groupe, si tu peux lui rappeler. Pink Cream 69. D'accord. Pink, donc pink, rose, hein, rose crème 69. Voilà. Tout un programme. Ouais, voilà. Et franchement, c'est. Mais on le retrouvera sur la playlist. La playlist, hein, la setlist. La setlist. Oula. Donc la playlist et. Et il trouvera même l'émission qui suivra tout de suite après, quoi. Voilà. Donc il retrouvera le nom du groupe pour aller retrouver la petite chanson. Voilà, juste avant. Et non, tu n'es pas inculte du tout. Pas du tout. Non, non, non. Je te rassure. Non, non, non. Il y a des gens qui ne connaissent pas certains groupes. Bah non, et là, c'est notre but. Hein. C'est nouveauté, nouveauté album, hein, on précise. Ouais, ouais. C'est hein, nouveauté de l'album. Pas nouveauté groupe. Non, non, non. Voilà quoi. Non, non. Pink Cream 69. Parce que des fois. Pink Cream 69, ça fait 94, et encore, hein, ouais, je dirais, donc il y a des années de carrière, mais ouais, vous n'êtes pas inculte. C'est un nouvel album qui va sortir, quoi, voilà, qui n'est pas encore sorti, il va être incessamment sous peu dans les bacs. Voilà, et s'il va voir sur la page Rive d'Enfer dans Facebook, il verra normalement, j'ai mis la pochette, où on voit, c'est un homme qui tient le morceau de son crâne qui soulève, quoi, voilà, en vert, quoi. Voilà. Pink Cream 69. Et on tient bien à vous rassurer. Ne vous gênez pas, faites comme vous avez fait. Envoyez un message à Sylvain. Bah là, c'est sur la vidéo. Il hein, y a des gens qui disent salut ma poule, hello Manchester. Et là, j'ai un dénommé Fred qui demande. Voilà. Hein, donc on lui répond bien gentiment. Tout à fait. Et voilà. Et bah, c'est tout à son honneur de demander. Hein, voilà. Qui ne demande rien. N'a rien. N'a pas de réponse. N'a pas de réponse. Et on est là pour ça. Justement, bah c'est. Oui, bah bien sûr. Et c'est le but de Rive d'Enfer. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est ce que les gens aiment bien chez nous. C'est qu'on fasse découvrir des choses. Ou on remet aussi des groupes. Ou après, qui on met des anciens aussi. Comme voilà. Moi, souvent, ma Sylvain Song. En général, je dis bien en général, bon, c'est un vieux truc. Quoi. On est tous nous sommes des vieux trucs, tu le sais oui, bien voilà, de toute façon. Bon, Allez, la balade crapuleuse. J'ai encore choisi. J'ai choisi un vieux groupe qui nous revient avec un nouvel album aussi. Donc, c'est une balade crapuleuse, mais du nouvel album, les LA Guns. Ah oui. LA Guns, tout simplement, c'est un des membres fondateurs de Guns N' Roses, voilà, il faut le savoir. Ça. J'aime bien aussi, moi, ça. Voilà, c'est Californie, hein, voilà. Ouais. Et on va s'écouter The Fall of the Rain. C'est la balade crapuleuse d'aujourd'hui. Ouais. Oh, Mindy. Oh, John. Ce slow est pour toi. Ce titre. Oui. C'est la balade. La balade crapuleuse. You're not the one to sick of blaming. Cause the thugs get the fall of the rain. Don't you let him pass. Pour yourself a glass full of kerosene. Light the fire. Don't you stand alone just cause the demon's gone. That don't mean that you're over it. Une balade comme on les aime, hein. Ouais. Elegance avec The Fool. De aussi, The j'aimerais Fall bien que ça passe par ici. Of the Rain. Peut-être. L'album va sortir aussi, donc. Ah, peut-être un passage. Peut-être un passage. Bon, je vais leur écrire, je vais leur demander. Mm. Écoutez, les amis, venez. Écoute, quoi. Passe un coup de fil. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pas de problème, écoute. Pas viens, de problème. Rémi, tu viens. Hein. Ouais. Voilà. Allez, le prochain, bah, ça, c'est, il était considéré comme une des grandes voix métal à l'époque. Gofstedt, qui était chanteur de Queensryche à l'époque, mm-hmm. il nous revient avec un nouvel album aussi. Tu vois, c'est beaucoup de nouveaux albums qui arrivent. Ouais. Et là, bon, maintenant, il ne peut plus s'appeler fatalement Queensryche parce qu'il a quitté le groupe sur un désaccord. Donc, lui, il a pris pour nom du groupe Operation Mindcrime, qui a été un des meilleurs succès de Queensryche. Et il nous revient avec Wake Me Up. Non, c'est pas Before You Go-Go. C'est ce que j'avais en tête d'un coup. Wake Me Up Before You Go-Go. C'est pas ça du tout. Mais c'est une grande, grande voix. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à tous les rétos de 1987. Album éponyme aussi de Whitesnake, It's His Love et tout ça, qu'on écoutait aussi en vacances en Grèce. Donc tu vois, on a tous ce souvenir-là. Operation Mindcrime, c'est une nouveauté, c'est sur RQC que vous retrouvez ça. Eh oui. Ah oui, voilà, donc c'était Operation Mindcrime, Wake Me Up. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est bien, hein, oh, c'est ouais, très ouais. bien. Voilà, si tous ces groupes-là pouvaient venir par ici, ben, moi, ça me ferait vraiment une super surprise. À fond. Oui, à fond. À fond. Voilà, tout doucement, comme on disait tout à l'heure, hein, on va avoir les noms de certains groupes qui vont commencer à tomber. Oui. Pour des festoches. Ouais. Du L. Il manque le L, surtout le Hellfest. Ouais, ouais, mais bon, ils sont complets, donc maintenant, moi, à mon avis, Maiden, c'est sûr. Moi, je sens bien Judas Priest. Il y a un nouvel album qui arrive, ouais. Donc voilà. Et puis le reste, on verra bien. Comme je dis, nous, on y va surtout dans l'esprit de voir les copains, les copines, faire de bonnes rencontres, de belles rencontres, et pas des rencontres sur l'oreiller comme d'autres pourraient le penser. C'est plus des bonnes rencontres musicales. Voilà, musicales. Et après, bon, les groupes, il y a toujours des très bons groupes à découvrir et à redécouvrir. C'est ça aussi l'avantage. On verra bien. On attend ça. Moi, j'attends ça incessamment sous peu. Moi, ce que je veux, c'est... Une sacrée claque aussi qu'on s'était prise quand même en découverte. C'est quand même Mirat. Ouais, tout à fait. Ça, c'était le fameux groupe tunisien. Tunisien. C'était au Rammfest, ça, qu'on avait découvert. Ouais, mais tu l'avais... Non, tu l'avais dégoté, toi, déjà, avant. Ouais, j'avais dégoté. Et un beau jour, tu m'as dit, tu sais pas quoi, Mirat, ils viennent Ouais. Je sais où je les avais vus. Je sais plus où je les avais vus. Ah si, je crois que je les avais vus au PPM, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Voilà. Bah, je sais plus. Je sais que c'était toi qui l'avais dégoté, je sais plus où. Et c'est vrai que depuis, on les voit souvent. Ouais, on en a plein comme ça, mais on verra bien, quoi. Mais on verra bien, parce qu'après, s'il y a le download, il y aura aussi peut-être quelques groupes pour le Main Square à Arras. Ah ouais, il y aura ça aussi. Il y aura ça aussi bientôt, donc voilà, on verra bien ce qui va nous tomber dessus aussi. Bah, toi, t'es plus festival que moi. Bah, quand c'est des trucs, voilà. Quand même. Voilà. Allez, nous on va pas passer au festival, mais on va passer avec un groupe que j'ai découvert hier en programmant l'émission, justement. Mm-hmm. Ça s'appelle The Soul Exchange. Le titre qu'on va s'écouter, The Deed Is Done. L'EP, c'est un EP, non pas encore sorti d'album. Vow of Set. Franchement, j'ai été surpris, j'ai pris une bonne claque. Je sais pas pourquoi, je suis fort attiré sur ce son, cette mélodie et tout ça, et je vais vous faire découvrir. On a toujours des préférences. Ouais, mais là j'ai écouté, j'ai même repassé en boucle 2-3 fois tellement que j'aimais bien, quoi. Je sais pas, ça c'est ma façon à moi d'aimer un truc, quoi. Voilà, on va s'écouter, on se retrouve tout de suite après. Aspiration burns. Voilà, donc c'était The Soul Exchange, The Deed is Done, bien. Hein? Ah si, c'est bien, si si, franchement... Quelque chose d'un peu calme ouais. Comme ça. Ouais. Là, on va un peu se réveiller un peu avec The Ungated, avec The Heartblade Bug. L'album s'appelle Legendary of the Heartblade, c'est parti. Voilà, donc c'était The Ungated avec The Heartblade Bugs. Bien. Hein. Alors toi, en priorité, tu aimerais bien te faire quoi d'abord si tu devrais faire un festoche Download, Hellfest, Main Square bah. En sachant déjà, tout en sachant qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a au Hellfest, hein, bien entendu, et on ne sait pas non plus ce qu'il y a au Main Square. Bah, je vais te dire honnêtement, le Download, il y a déjà deux groupes, il me semble. Hein, il me semble qu'il y a Metallica. Normalement, qui est prévu. Je mais bon, ils ont apparemment arrêté. Oui, mais apparemment, ils auraient annulé leur tournée festival. Ah, là mieux. Mais bon, maintenant, encore une fois, c'est des bruits de couloir. Hein. On n'en sait rien, quoi. C'est sûr que le download, il est pas mal, hein, pour l'instant. Pour l'instant, mais oui. Enfin, le download, pour moi, si je devrais... Bon, toi, ça va être le Hellfest, c'est clair. Il y a le Hellfest, mais il y a le download pour Perosi, que j'ai eu l'occasion de voir une fois et que je voudrais bien revoir, avant qu'il me casse sa pipe. Mm. Voilà. Parce que Ozzy, sincèrement, j'aime bien Black Sabbath, mais je préfère Ozzy dans Ozzy. C'est con à dire, mais... Ah oui, moi aussi, c'est clair et net et précis, je te l'ai toujours dit. Mm-hmm. Je préfère Ozzy en solo que Black Sabbath. Voilà, c'est différent. C'est bien aussi, hein. C'est bien. Ah oui. C'est sûr que Black Sabbath, c'est génial aussi, mais je préfère aussi. Voilà. Je sais pas. Mm-hmm. C'est plus son atmosphère. Ouais. Bah, les deux, mais je ne sais pas. Ouais, c'est une préférence. Ouais, mais voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller au download et que Perosi y est, n'hésitez pas parce que, à mon avis, il fera pas. C'est pas qu'il ne fera pas vieux os. Je lui souhaite tout l'heure du monde de vivre le plus longtemps possible, mais. Un jour, il arrêtera peut-être de la scène. C'est hein. sûr. Voilà, c'est... Tout à fait. Voilà, quand je vois des fois des documentaires, parce qu'il fait de la télé-réalité, des fois, je me dis, mais à mon avis, c'est pas possible, il y a des gens qui le soutiennent parce qu'il va tomber, quoi. Ouais. Voilà. C'est son allure aussi, je pense. Ouais, hein. Je crois que c'est son allure nonchalant, comme ça. Parce que déjà, quand tu regardes des vidéos quand il était jeune, déjà quand il marchait un peu pâteau, là, voilà. Allez. Absalem des Saver, l'album s'appelle Chaos Evolution. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Absalem. Encore une fois, comme on dit, on en profite aussi à faire un coucou à nos petits auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM qui nous écoutent soit sur la bande FM, soit sur Internet, ou soit qui nous regardent en direct via Facebook sur la page Rive d'Enfer. On vous fait un petit coucou et on est en direct tous les lundis, sauf les deux lundis qui ont précédé, car nous étions absents malheureusement. Le prochain, c'est Richery True North. L'album s'appelle I Am The Legend. Il est super ce titre de Witchery, True North. L'album s'appelle I Am The Legion, je vous le conseille les amis, vous pouvez l'acheter les yeux fermés et les oreilles bien ouvertes comme on dit. Butcher Baby, l'album s'appelle Lilith, on va s'écouter le titre éponyme de l'album Lilith, des charmantes californiennes à rencontrer que je vous conseille d'ailleurs de rencontrer. Lilith, Butcher Baby. Voilà, voilou, Butcher Baby. Ah, oui, ouais, enfin bon, on peut rêver. Allez, l'album s'appelle Lilith et c'était le titre éponyme. C'est jamais. Hein. Ouais, c'est jamais. Arkinemy sera sûrement aussi au Hellfest. Je sais pas pourquoi, mais il y a un nouvel album qui donc, je le sens bien aussi, mais voilà, ouais. J'en profiterai. Alors là, on profitera pourquoi ? Pour essayer d'avoir mon interview qui m'a été refusée la fois dernière à cause de Spider-Man. Ho Joe, c'est nouveau. L'album s'appelle Way Down Under Yonder. Et on va s'écouter Back Home Today. C'est vraiment bien. Ça me fait un peu penser à la Louisiane. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais comme mis ça. Une patte là-dedans, mais bon, ça te fait penser à ça. Ouais, ouais, tu verras. The world go by. I wonder where. Alors tu vois, hein, quand je dis un petit peu Louisiane, Texas, Fort Amérique, quand même assez audio. Mm-hmm. L'album s'appelle Way Down Yonder et on s'écoutait Back Home Today. Voilà, voilà, voilà. Le nouveau, c'est tout nouveau. Je remercie Wilco du label du côté de la Hollande de nous avoir envoyé Watten, si vous préférez, avec Nuclear Alchemy. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là, c'est tout de suite, ça joue là, ça joue. Voilà, c'est Waiting, ça déménage à Nuclear, donc Alchemy, le prochain est vraiment pas mal non plus, c'est le nouveau, il va arriver, il n'est pas encore sorti, donc c'est une exclusivité, Shining, donc c'est pas le film avec de Stanley Kubrick, hein, avec Jack Nicholson qui meurt gelé dans le labyrinthe, quoique, et c'est pas non plus ce qu'il y en a deux de Shining, il y a un groupe qui crache sur son public, là je trouve un peu con, et là on va s'écouter Guilhem Protarnas Boad. C'est parti. sedlemy burcza nas Sedlen is hore Alles fabelaktige Hurra! Voilà, donc c'était l'avant-dernier titre avec Shining, Gillian Portoranas Bros. Alors voilà, Sylvain, il est l'heure bientôt de se quitter. Eh oui, je baille déjà, moi. Tu vas aller dodo? Ouais. Voilà. Je vais suivre les conseils de mon ami Julien. Juju. Voilà, on lui fait un petit coucou aussi. Donc nous, on va se quitter. Que j'embrasse bien fort. On embrasse tout le monde bien fort. Schmack. On se retrouve la semaine prochaine avec le slasher, normalement. Écoute, oui, normalement, oui. Si tout va bien. Si tout va bien, je serai là, si j'ai pas de changement d'horaire. Voilà, tout à fait. Et on va se quitter avec Will Star, avec Beyond the Rain. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et merci de nous avoir suivis. Vous et êtes oui, bien merci de nous suivre, de nous encourager. Ouais. Et voilà. Et merci, restez bien branchés sur RQC 95 FM. Ciao les amis!